tous, en direct de la rabatterie, nous sommes en compagnie du non-conforme à la norme. Interview exclusive sur la sortie du premier album, quel est mon style. Première impression. On a un appel là sur la ligne, une fille s'appelle Laetitia. Allez-y Laetitia, parlez. Oui, bonjour. Bonjour les non-conformes à la norme. J'aurais une question à vous poser. Oui. Vous êtes combien dans le groupe ? 5. Vous êtes 5 ? Il y a des filles avec vous ? Non. Parce que moi, je suis choriste. Ouais, bah, on peut te laisser notre contact à la fin de l'émission Non, attends, fais-nous un petit truc pour voir déjà ce que tu donnes. Ouais, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas, fais-nous. Ce que tu veux. La. Bon, vas-y, arrête. Ok, change pas, t'es au top. Qu'est-ce que vous faites là dans les studios là ? Vous pouvez sortir là ? Vous avez oublié de nettoyer notre salle à côté, là. Non, mais attends, on est en direct, là. Il n'y a pas d'émission, on n'a pas encore commencé, on commence à 11h. Alors, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Vas-y, nous parle de quoi, Brahms. Ok, change pas, t'es au top. Vas-y, allez.